Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombreux à cause de la multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Vous voyez, dans ce psaume, Salomon dit ceci, au verset 1. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Verset 2, il dit, il jugera ton peuple avec justice et les malheureux avec équité. Vous voyez ici les évidences de la justice dans la vie d'un roi ou d'un leader. On nous montre ici trois éléments importants. D'abord, 1, il doit juger le peuple avec justice et les malheureux avec équité, verset 2. Deuxièmement, il doit faire droit aux couches défavorisées, c'est-à-dire les malheureux, les pauvres, les indigents. Vous trouvez ça au verset 3 et au verset 12. Il ne doit pas favoriser ceux qui ont de l'argent. Il ne doit pas favoriser ceux qui sont nantis. Troisièmement, il doit écraser l'oppresseur et affranchir les pauvres. Verset 4, 13 et 14. Il faut écraser l'oppresseur. Quand Dieu t'a positionné, tu ne dois pas laisser celui qui veut opprimer ceux que tu diriges ou ceux que tu gouvernes. Tu ne dois pas tolérer cela. Tu dois les libérer. Tu dois les affranchir. Vous voyez, c'est ça ce que les rois devraient faire depuis le temps de Salomon. Dieu reprochait à son peuple et aux dirigeants du temps du prophète Amos car ils violaient les droits des pauvres. Dieu n'a jamais toléré qu'on viole les droits des pauvres et des couches des plus défavorisées parce qu'il est le Dieu de justice. Au temps du prophète Amos, il disait ceci dans Amos 4, verset 1. Écoutez cette parole, génisse de Bassan, qui êtes sous la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Et dans Amos 5, verset 12, il dit, car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez les justes, vous recevrez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Deuxième vérité que nous enseigne ce psaume. Dieu bénit celui qui exerce la justice. Quand tu exerces la justice, sache que Dieu va te bénir. Ce psaume nous révèle plusieurs éléments qui démontrent comment Dieu bénit celui qui exerce la justice. Presque tous ces éléments ont été évidents pendant le règne de Salomon. Premièrement, il sera craint parmi plusieurs générations. Lorsque tu exerces la justice, Dieu va faire que tu seras craint dans plusieurs générations. C'est-à-dire, tu seras une référence. On parlera de toi, du bien. Deuxièmement, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché. C'est-à-dire, il sera une source de bénédiction pour plusieurs. Verset 6. Vous voyez, la pluie qui tombe sur un terrain fauché arrose. C'est-à-dire, ta vie devient comme une pluie qui arrose, une source de bénédiction pour d'autres personnes. Troisièmement, Dieu étend son règne. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Et tous les habitants, y compris ses ennemis, fléchiront les genoux devant lui. Verset 8 à 9. Lorsque tu exerces la justice, c'est Dieu lui-même qui va affermir et étendre ton règne. Tu vas dominer et même tes ennemis vont fléchir les genoux devant toi. C'est ce que ce psaume nous montre. Dans 1 Roi chapitre 4 verset 21, il est dit « Salomon dominait encore sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. » Salomon l'a expérimenté. Et puis, autre promesse, il sera béni matériellement et financièrement. Quand tu exerces la justice, c'est Dieu lui-même qui va te bénir matériellement et financièrement. Le verset 10 dit que tous les rois de Tarsis et toutes les îles paieront des tributs. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Et le verset 15 ajoute, ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse. Ils les béniront chaque jour. Vous voyez, quand vous êtes un dirigeant, vous êtes honnête, vous exercez la justice, le peuple va prier pour toi. C'est ce qui s'est passé au temps de Salomon. Tu seras béni. Le livre des rois nous raconte comment la reine de Saba vint voir Salomon et lui offrit de grandes richesses. Saba, c'était un lieu très très réputé où il y avait de l'or, de grandes richesses. La reine de Saba est venue donner à Salomon des présents. La Bible nous dit dans 1 Roi 10, 10 à 11, elle donna au roi 120 talents d'or. une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram, qui apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois, de sandales et de pierres précieuses. 1 Roi 10:10-11. Et puis, autre promesse, lorsque tu exerces la justice, Dieu rendra ton nom grand. Verset 17. Ce verset dit, son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil. Son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le béniront heureux. Toutes les nations le diront heureux. Troisième et dernière vérité que nous enseigne ce psaume, Dieu bénit la nation à cause du roi qui exerce la justice. Lorsque tu es un roi, tu es à la tête d'une nation, tu es à la tête d'une province, tu es à la tête d'un département, tu es à la tête d'une entreprise et que tu exerces la justice, non seulement que Dieu va te bénir, mais Dieu va bénir ton entreprise, Dieu va bénir ton service, Dieu va bénir ton département, Dieu va bénir ta nation à cause de toi. Le verset 7 dit, le juste fleurira et la paix sera grande. Vous voyez, même la paix, c'est une conséquence, un résultat de la justice du roi. Il dit, les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Verset 16, c'est-à-dire, il y aura l'abondance, même sur le plan économique. Et troisième bénédiction, il dit, les hommes fleuriront dans les villes comme les herbes de la terre. Quand on parle de fleurir, ça veut dire qu'il y a une prospérité, il y a l'épanouissement. Donc, toutes ces choses sont les résultats, la conséquence de la justice du roi, la conséquence de la justice de celui qui est à la tête d'une nation, d'un pays, d'un département, d'une ville. Oui, Dieu bénit la nation à cause du roi qui exerce la justice. Donc, si nous voulons être des sources de bénédiction, exerçons la justice et nous verrons comment le Seigneur va bénir nos nations, il va bénir nos entreprises, il va bénir nos nations. Que son nom soit glorifié. Nous allons chanter pour lui ce cantique. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et ma vie, je veux t'adorer, je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie, je veux t'adorer, je veux t'adorer, ô viens et remplis ma vie, je vais t'adorer, je Seigneur, gloire à Dieu le Père, gloire à Jésus le Fils de Dieu, gloire au Saint-Esprit. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous saluons tous ceux qui suivent OSB tous les matins, aussi loin que vous soyez. Que Dieu vous bénisse. Partagez OSB avec des amis, avec des parents partout dans le monde, surtout vous qui recevez par WhatsApp. Si vous voulez recevoir OSB par WhatsApp, veuillez nous communiquer votre contact. On saura comment vous envoyer aussi par WhatsApp pour que vous puissiez partager avec d'autres personnes. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 72, un psaume qui nous montre l'importance de la justice dans la vie de ceux qui gouvernent une nation à l'instar de Salomon. Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier pour nos chefs d'État, nos rois, nos magistrats, nos gouverneurs et tous ceux qui sont élevés en dignité afin qu'ils exercent la justice selon les principes divins évoqués dans ce psaume. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération Dieu Tout-Puissant, ce matin encore, nous élevons nos mains, nous nous mettons à genoux pour te dire infiniment merci. Pour ce que tu as commencé à faire déjà dans notre vie, pour les témoignages sans fin, pour des portes qui s'ouvrent, pour la préservation, tes bénédictions de tout genre, pour cette grâce que tu nous donnes, la vie en abondance, soit exaltée, soit magnifiée. Merci pour ce voyage que tu as permis au nom de Jésus. Nous prions, Père, pour tous ces rois, pour toutes ces personnes que tu as élevées en dignité, quel que soit là où elles se trouvent, nous voulons te les recommander. Père, que la sagesse d'en haut les anime. Père, que l'Esprit du Seigneur soit leur partage et que leur décision soit orientée comme tu le désires. Notre Dieu et notre Père, nous crions à toi que les cœurs de nos autorités soient changés en des cœurs de chair pour accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et que leur vie soit un témoignage. Merci, Papa, pour ton amour sans fin dans la vie de tout ce que tu as établi. Tu nous partout, Seigneur, dans l'administration, dans nos sociétés, dans nos ministères, à l'église et dans nos villages et même dans nos nations. Merci pour ta bonne main qui les conduit. Merci pour ta bonne main qui les repositionne dans la voie que tu as tracée et que tu inclines leur cœur selon ta volonté. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre dans la vie de toutes ces autorités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne des leaders selon son cœur et que ces leaders soient des sources de bénédiction pour l'Église et pour toute la nation. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Père éternel, le psalmiste déclare, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui veille, veille en vain. Nous prions au Père éternel et nous te rendons grâce parce que nous savons que tu veilles sur nous. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés. Nous prions ce matin et nous demandons, Père, de nous donner des leaders selon ton cœur, des leaders qui ont la crainte de l'Éternel, des leaders qui sont instruits par ta parole, afin que ces leaders soient une source de bénédiction pour le corps du Christ, afin que ces leaders soient une source de bénédiction pour nos pays. Fais en sorte, ô Père éternel, que tous ceux qui auront été choisis soient des personnes désignées par toi, afin que ces personnes puissent mettre en pratique ce que tu demandes à tes enfants, afin que ces leaders puissent faire ta volonté. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous prions, ô Père éternel, et nous nous élevons contre les blocages, contre toute forme d'opposition à l'accomplissement du plan de Dieu. Nous déclarons que toute forme d'incantation, toute forme de déclaration des puissances des ténèbres est nulle et de nul effet. Père, lève-toi afin que ta parole puisse être accomplie dans nos vies. Lève-toi, ô Père éternel, afin que ton plan puisse être toujours réalisé à la gloire de ton Saint-Nom. Nous sommes dans la joie et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que ceux qui sont justes, ses serviteurs, les serviteurs de l'Éternel, ceux qui craignent son nom, puisse fleurir dans nos nations et que la paix règne dans nos nations au nom de Jésus. Et plus particulièrement à cette fin d'année, nous savons souvent que l'ennemi veut susciter souvent beaucoup de problèmes, mais nous voulons prier pour que nous puissions fêter dans la paix, dans le calme, dans toutes nos nations au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Je prie Éternel, notre Dieu, nous invoquons ton puissant nom, ton glorieux nom, ton merveilleux nom, car par ce nom, nous avons la victoire, nous avons la paix, nous avons l'assurance, nous avons la vie en abondance. Nous prions pour les justes, nous prions pour les fidèles, nous prions pour les chrétiens, nous prions pour toutes ces personnes qui marchent et qui font confiance en Christ pour leur élévation, qui espèrent en Dieu pour leur promotion. En cette fin d'année, merci de leur accorder cette grâce. Merci de leur accorder cette bénédiction. Merci de les favoriser, de les honorer dans leurs activités. Merci de les repositionner. En cette fin d'année, nous prions que tes enfants qui sont justes, tes enfants qui sont fidèles à l'Église, qui payent leurs dîmes, qui marchent selon ta crainte, qu'ils soient honorés, qu'ils soient bénis de tous côtés. Ceux-là qui marchent dans la justice, Seigneur, fais-les voir ta gloire. Préserve-les, notre Dieu, notre Père. Que leur témoignage appelle tous ceux qui les connaissent à mieux te servir, à te connaître, toi, Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Merci, Papa, pour ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants, dans les nations. Accorde-nous en cette fin d'année une paix qui vient de toi. Car tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde en donne. Merci donc pour ta paix dans les cœurs, la paix dans les foyers, la paix dans ce pays, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter.